Blast MC. Je viens rapper pour ma jeunesse, pour tous les petits d'en bas. Si, si, 2008. Ça fait bra. MP3 sur les oreilles, ma jeunesse écoute du rap, motivée que par l'oseille. Espérons qu'elle grandira. Les cons diront que ma jeunesse se prive pas d'être insolente. Elle a juste les nerfs à vif et ça arrive qu'elle soit violente. Ma jeunesse trouve la vie trop lente, donc grille les stops un par un. Ma jeunesse n'a pas vu gros blanc mais a pris tout du parrain. Ma jeunesse aime les vagins et se même au fond d'un wagon. Ma jeunesse a la rage hein, et la crache depuis son balcon. Elle aime la contrefaçon car ma jeunesse a pas checké. Elle aime trop squatter en bas et ne rien faire à part checker. Rejetée par un système auquel on n'a rien compris. Ma jeunesse, il laisse des frères au paradis ou en ont pris. Ma jeunesse fixe son prix en gros à 1005 le Loki. Méfie-toi de Loki d'or car ma jeunesse c'est pas Corki. De Torini à Sergi, oui ma jeunesse est parisienne. Elle vient de toutes ces banlieues que l'on dénombre par dizaines. J'ai rappé pour ma jeunesse de mes cordes vocales cheatées. C'est pour tous mes assistés, mes cassos, mes agités. Ceux que la vie a giflé, petites sœurs et petits frères qui passent leur temps à rien faire. Dehors était comme hiver. Ma jeunesse vénère, mais aussi jeunesse débrouillarde, sans trouillard. Je leur souhaite de quitter ce brouillard, c'est pour mes crouille ça, ceux qui réclament une vraie justice, sauver de justesse. Ma jeunesse subit trop de préjudice. Ma jeunesse, elle aime le foot de Zizou à Benzema. Elle sèche les cours, les examens lui donnent de l'eczéma. Ma jeunesse, elle se bat souvent contre l'autorité. Elle est fière et grandit seule, refusant la charité. Elle connaît pas la parité, car ici c'est marche ou crève. À Paris, t'es obligé de survivre, alors on gâche nos rêves. Ma jeunesse est infidèle, tire son coup à gauche à droite. Elle s'inscrit sur MSN pour gérer des plans à trois. À croire que ma jeunesse n'aime pas trop la solitude, pourtant croupir en son prix fait partie de ses habitudes. Ma jeunesse aime prendre de l'altitude, donc elle fume des gros pets. Elle a l'esprit de compète, fière allure et des gros pecs. Ma jeunesse fait sa trompette quand elle berne l'auditoire. Elle aime créer des histoires, sort de gardave le lundi soir. Ma jeunesse a un casier car elle commet des erreurs. Donc le soir sur TF1, bah ma jeunesse c'est la terreur. J'ai rappé pour ma jeunesse de mes cordes vocales cheatées. C'est pour tous mes assistés, mes cassos, mes agités. Ceux que la vie a giflé, petites sœurs et petits frères qui passent leur temps à rien faire. Dehors était comme hiver, ma jeunesse vénère, mais aussi jeunesse débrouillarde sans trouillard. Je leur souhaite de quitter ce brouillard, c'est pour mes crouilles ça. Ceux qui réclament une vraie justice, sauver de justesse. Ma jeunesse subit trop de préjudice. Ma jeunesse est colorée, j'aime sa mixité sociale. Sa vie c'est éviter le chômage pour faire des sommes colossales. Quand les petites cités sont seules, ça pisse dans les ascenseurs. L'école les a censurées, respect si ma jeunesse s'en sort. Parfois elle pleure sur son sort et s'en remet à Dieu. Ma jeunesse est sensible, alors elle aime pas les adieux. Ses grands frères et les adultes, pourtant elle chie sur les adultes. Ma jeunesse aime les insultes et les bastons sur les avenues, des fourrailles et les tasses nues. Surtout quand ma jeunesse a bu des blondins à gros obus, car ma jeunesse vit dans l'abus. Je sais pas si tu as vu, y'a la jeunesse tectonique. Les modes changent trop vite et la classe c'est une crête comique. Moi ça me fait trop rire, paraît que le ridicule ne tue pas. Ma jeunesse sera pas dupée par vos battles qui mènent nulle part. J'dis pas que ma rime vaut une part, mais moi je rappe pour ma jeunesse. Ouais pour tous les petits à place, je pense qu'ils se reconnaissent. J'ai rappé pour ma jeunesse de mes cordes vocales cheatées. C'est pour tous mes assistés, mes cassos, mes agités. Ceux que la vie a giflé, petites sœurs et petits frères qui passent leur temps à rien faire. Dehors était comme hiver. Ma jeunesse vénère, mais aussi jeunesse débrouillarde, sans trouillard. Je leur souhaite de quitter ce brouillard, c'est pour mes crouilles ça. Ceux qui réclament une vraie justice, sauver de justesse. Ma jeunesse subit trop de préjudice. J'ai rappé pour ma jeunesse de mes cordes vocales cheatées. C'est pour tous mes assistés, mes cassos, mes agités. Ceux que la vie a giflé, petites sœurs et petits frères qui passent leur temps à rien faire. Dehors était comme hiver. Ma jeunesse vénère, mais aussi jeunesse débrouillarde, sans trouillard. Je leur souhaite de quitter ce brouillard, c'est pour mes crouilles ça. Ceux qui réclament une vraie justice, sauver de justesse. Ma jeunesse subit trop de préjudice. Aïe, pour ma jeunesse, ma jeunesse homicide. Si, si, Marne et Seine, 2008, ta Blast MC. Pour ma jeunesse, si, si, ça fait brrrr.